Ah, surtout Karim, il est trop bidon. Non, mais il paraît qu'ils ont splitté là. Ouais, mais ils se prennent pour des musiciens, ces gens-là. Ça y est, les pop stars, ils sont passés sur M6. On en parlait. Ouais, ça prend de l'argent, ouais, ça c'est pas beau. Les graines de stars. Les graines de stars, bientôt ça va être une parade. Avec Karim, le poétique, le avec Charlie et Lulu. Du top 50 quand ils sont bidons. C'est une grosse as quand même. Golpé, c'est vraiment à chier. Aïe aïe aïe, pas pour rattraper les autres. Mais t'es entendu là, il paraît qu'ils sortent un deuxième album. Ça va être encore une grosse merde. Ah bon, ils se mettent à la musique au moins. Il peut pas être pire que le premier.